signer pour un frangin. Sortir la lame, sortir l'engin. Je l'ai dit 100 fois dans les enceintes. Y'aura ma tête et mes empreintes. Pour eux, je veux euro et bitcoin. Fini les bitches et les petites connes. Dans ma tête, c'est pire qu'un Hitchcock. On a traversé les shitstorms. Tout pour le gang, la MIFA. Hip hop comme Queen, la TIFA. Pour les frangins, au mitard, les djellabas, l'équipe. Les survêtes Nike, l'équipe star. Je veux la SACM de Vita. Écoute mon air de guitare. Plus un rookie. Ouais, la grenade, je dégoupille. Tout pour les miens comme les Ritals. Je veux le bord de mer et les cigas, je veux les cocktails et les cigares. Carbolard, on sent le nitrate, logo pala sur les pitafs. Gang, enterrez-moi comme un boss, m'enterrez pas comme une petite frappe. T'as le cran d'arrêt sous la gorge, t'es dans le coffre de la Nissan. Si tu t'en es pris au gosse, tu verras le canon en titane. Mes frères savent bomber le torse, mes gosses sont braves comme les gitanes. Tout est réel, tout est sombre. Dans le noir, je pète les plombs. Mais jamais je ne jette l'éponge. Qu'a vu gros comme gros bien que cher un cognac. Elle veut faire des pompes. Hey, tout est réel, tout est sombre. Dans le noir je pète les plombs. Mais jamais je ne jette l'éponge. Qu'a vu gros comme gros bien que cher un cognac. Elle veut faire des pompes. Si je t'apprécie, je te file combien. Retour au bled m'a fait grand bien. Petit ref m'appelle Chizzy l'ancien. Me donne respect donc je le rends bien. Je connais Transac au 635. J'attends qu'on se va les mis sans stringue. Y'avait pas toujours des plantes, hein. Faut des gambas pour les bambas. Tout pour le gang, la MIFA. Vas-y reprendre la pizza. Fini de revendre la dynam. On veut l'argent de la CISA. La messe est dite, frigo c'était la Tchétchénie. Qui me connaît vraiment, qui peut m'appeler Freddy. Je veux boycotter tous les ignares. Faut mon côté, je roule les zigzags. Toujours coté comme Adidas. Même sous calvitie comme Zidane. Remets la prod en boucle, resserre une Cronenbourg. Quand il accorde au cou, sorti de ma putain de pousse. Je prenais de la drogue en douce. Que pour la MIF, la clica, code de l'honneur est applicable. Frérot et fucking gars qui tape, préviens la mama Habiba. Trois fois filtré sous cellophane, rajoute la wax dans la tisane. Faut des tokens sur ma vida, plus le temps de recompter la quichta. Tout est réel, tout est sombre. Dans le noir je pète les plombs. Mais jamais je ne jette l'éponge. Qu'a vu gros comme gros bien que cher un cognac. Elle veut faire des pompes. Hey, tout est réel, tout est sombre. Dans le noir je pète les plombs. Mais jamais je ne jette l'éponge. Qu'a vu gros comme gros bien que cher un cognac. Elle veut faire des pompes.